toi qui ce soir as tout perdu, demain tu peux gagner. Laissez jamais vos garçons seuls la nuit, fringants et rires iront. Baisser les volumes parce que je suis en train de me niquer les oreilles. Les accords. C'est facile, hein. La, Do, Ré, Fa. Assez facile comme morceau. Ça va pas être facile quand même. C'est qui ça? Ok. je vais juste laisser la guitare. It's good, Mr. Rich. Mr. Robster, guitar. It's okay. La, do, ré, fa, la mineur, do, mi. Et ouais, j'ai pas tous mes accords. Je crois qu'il y a ton synthé qui est en mode bloqué. Panique, la carte appuie sur panique. J'avais pas mis toutes les notes alors. C'est là que je finirai ma vie, comme d'autres gars l'ont fini. Voilà, c'est que pour moi, ma mère a donné. Ils sont en train d'apprendre. Salut Pascal. On est en train de. Ça apprend les accords. Thank you. trouver les accords de Johnny Hallyday. Un La, un Do, un Ré, un Fa, un La. Allez, je redonne les accords. Pascal. Pascal. C'est quoi ce bordel? Alors là, La mineur, Do, Ré, Fa. La mineur. Ah, je me trompais, ouais. Mi. Ah, je me trompais. La mineur. Ah ouais, je me trompais. Autant pour moi. J'ai fait une erreur. Pascal, bon, c'est pas facile. Si, en fait, c'est facile, mais j'ai fait une petite erreur. J'en ai marre d'écrire les accords parce que ça me les copie 50 fois. Je comprends pas pourquoi ça me copie les accords 50 fois sur le truc. Comme si j'avais écrit. Donc c'est... Je suis désolé. Je te laisse faire le synthé, tiens. Mmh. Kaiser. Les portes du pénitencier. Ouais, c'est pas mal là. C'est bien là, Donna. Mais t'arrêtes pas, c'est bien. Alors, on va se le faire avec Donati au clavier. Mister Donati au synthétiseur qui a joué plusieurs fois avec Johnny Hallyday. C'était pas mal ton son là. bizarre cette note là. J'ai fait un tap tempo là. Cherche un délai qui se calcule tout seul. Là. Là, t'es obligé de mettre sur le. Et pourquoi ça lance? T'es pas là. Ah, ça va trop vite, ça. C'est combien le tempo du tout là? 100 non? Voilà. On va essayer ça. Tu connais YouTube? Je change le tempo. Are you ready? Thank you. Thank you. Joyeux. We'll be right back.